Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous prenons maintenant la direction de Tadoussac pour rencontrer des bélugas. Dans la dernière année, la population de bélugas qui vit dans le Saint-Laurent entre la Malbaie et cette île connaît un déclin important et difficile à expliquer. Comme nous le dira Mélanie Jean, le bilan des décès dans la population de bélugas au Québec est d'ailleurs très préoccupant. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Et oui, même Pêche et Océan Canada a fourni des chiffres récemment qui sont vraiment très inquiétants. Déjà classée en voie de disparition, la population de bélugas du Saint-Laurent en 2015 est d'à peine 889 individus. Et c'est une fraction de la population d'origine. Parce que si on remonte au 19e siècle, on comptait 10 000 baleines dans le Saint-Laurent. Donc, il y a une énorme diminution aujourd'hui. Mm-hmm. Ben, malgré qu'on, dans les années 70, on a interdit la chasse aux bélugas, mais malgré ça, la population continuait de décroître. On pensait que ça aurait augmenté suite à cette interdiction de chasse, mais c'est plutôt le contraire qui se passe. Mais Mélanie, on trouve aussi des bélugas dans l'océan Arctique. Donc, est-ce vrai que la population de bélugas du Saint-Laurent est unique au monde? Le béluga fait partie des 13 espèces de mammifères marins qui cohabitent dans le Saint-Laurent. Et oui, la population qui vit ici est unique au monde. Elle est isolée des autres individus qui vivent dans l'océan Arctique. Elle est même distincte du point de vue génétique. Donc, on peut dire que c'est une population totalement différente, même si c'est la même espèce. Okay. C'est d'ailleurs la population de béluga qui vit le plus au sud de son aire de répartition. Elle est d'ailleurs très proche des activités humaines et des zones qui sont fortement industrialisées. Le Saint-Laurent, c'est pas l'océan Arctique. Et dans le reste du monde, on retrouve des bélugas seulement dans les régions arctiques et subarctiques de l'hémisphère nord, entre le 50e et le 80e parallèle. Il y en a nulle part ailleurs. Okay. C'est donc habituellement une espèce qui est vraiment très nordique. C'est un animal qui est social, qui peut atteindre environ 6 mètres de long. Et c'est plus grand que la moyenne des dauphins en général, mais c'est plus petit que la majorité des autres espèces de baleines. On le reconnaît surtout par l'absence d'aileron dorsal et son énorme bosse qu'elle a sur le front. Mm-hmm. C'est une caractéristique assez unique qui distingue les bélugas. Mm-hmm. Les mâles adultes sont généralement plus grands que les femelles et ils peuvent peser jusqu'à 1,5 tonne. Le petit nouveau-né du béluga, on l'appelle le veau. Mm-hmm. Et il peut mesurer à la naissance environ 1,50 m et peser environ 80 kg. Et les bélugas ont une espérance de vie d'environ 60 ans. Okay. Mais là, année après année, le bilan des décès s'alourdit vraiment. Cette année, en 2015, l'année qui vient de terminer, on a trouvé 14 carcasses le long du Saint-Laurent. Parmi celles-ci, 6 étaient des nouveaux-nés. L'âge de l'un d'entre eux reste encore à déterminer, mais c'était vraiment des nouveaux-nés de l'année 2015. Mm-hmm. 3 sont des femelles qui sont mortes en couche. Et en 2014, pour te faire un petit bilan, il y avait 11 bélugas, dont 6 veaux qui ont été découverts morts. En 2013, on parle de 17 bélugas, dont 4 veaux. OK. Mais est-ce qu'on sait de quoi ils sont morts, ces bélugas? Les autopsies sont toujours réalisées à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe et ils permettent de constater que les femelles adultes décédées l'ont été soit juste avant, pendant ou juste après la mise bas. Les carcasses des nouveaux-nés n'ont pas révélé de signes de blessure, d'infection ou de tumeur, ce qui laisse croire aux chercheurs qu'ils sont soit morts de faim, de déshydratation ou d'hypothermie. En fait, ce qu'on croit, c'est qu'ils ont été séparés de leur mère, mais il y avait plus accès au lait maternel. Et si l'accouchement est difficile et stressant, la mère va alors perdre beaucoup de sang puis elle va subir un dérèglement hormonal à ce moment-là. Et là, son attachement au nouveau-né peut être beaucoup moins important. Et quant au petit, il peut naître beaucoup plus faible et aussi avoir de la difficulté à suivre sa mère dans le Saint-Laurent. C'est quand même étonnant que ces bêtes puissent mourir de déshydratation. Oui, vivant dans l'eau, ça peut être un peu étrange. Mais est-ce que cette situation inhabituelle est nouvelle ou est-ce que elle est présente depuis de nombreuses années? Depuis 1983, toutes les autopsies de béluga au Québec, comme je disais tout à l'heure, sont réalisées à Saint-Hyacinthe, à la Faculté de médecine. Et lors des 25 premières années, la moyenne des veaux retrouvés morts se situait entre 0 ou 3 environ. Mm-hmm. Mais dans les 8 dernières années, la moyenne a été dépassée 7 fois. Okay. Et depuis le début des années 2000, la situation est devenue pas mal inquiétante. Malgré que le béluga n'a aucun prédateur, en fait, dans le Saint-Laurent, sa population continue de baisser de 1 à 2 % à chaque année. Et à cause de toutes ces mortalités, surtout mortalité infantile, on pourrait dire, mm-hmm. mais la population n'arrivent pas à se générer, à se régénérer. Donc là, son potentiel de régénération est vraiment compromis. Est-ce que les chercheurs ont des hypothèses pour expliquer cette épidémie de décès chez les bélugas? Ben, pour tenter d'expliquer tous ces décès, les chercheurs du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM, s'orientent habituellement sur 4 hypothèses. Et plusieurs même de ces causes pourraient s'additionner. Donc, c'est pas seulement une, ça peut être la combinaison des 4. Uh-huh. Donc, la première, c'est la contamination de l'eau dans le Saint-Laurent. Ben, dans les dernières années, la qualité de l'eau du Saint-Laurent, oui, elle s'est améliorée. Et les cas de cancer chez les bélugas aussi ont diminué. J'ai lu une étude qui disait qu'après 1970, les adultes, en fait, nés après 1970, ont pas de cas de cancer, en général. Okay. Donc, oh, ça, c'était une bonne nouvelle. Mais les bélugas continuent quand même de subir l'effet de certains contaminants qui sont présents dans le fleuve Saint-Laurent. Dans l'eau du fleuve, il y a plusieurs contaminants différents, mais il y en a un en particulier qui s'appelle le polybromodiphényléther. Qu'est-ce que c'est, ça? Le PBDE. C'est un contaminant qu'on a utilisé comme retardateur de flamme dans les meubles, les rideaux et même les vêtements. Uh-huh. Et ça a un effet très néfaste sur les mammifères marins parce que ce produit chimique se bioaccumule. Ça veut dire que pour le béluga qui se situe tout en haut de la chaîne alimentaire, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de prédateur, donc uh-huh. il est au bout de la chaîne. Mais à cause de la bioaccumulation, l'effet va être encore plus néfaste. Et les PBDE sont reconnus pour leurs effets sur la glande thyroïde. Et chez les bélugas, on sait que la glande thyroïde joue un rôle très important durant la mise bas. La deuxième hypothèse, ça serait la disponibilité en nourriture. Ben, dans les dernières années, dans le Saint-Laurent, les harengs, c'est une espèce de poisson assez commune, vient de moins en moins frayer au printemps dans le Saint-Laurent. Et donc, la baisse de cette source alimentaire importante pour le béluga, ben, ça pourrait affecter les conditions des femelles au moment où elles ont le plus besoin de nourriture. Mm-hmm. Donc, elles trouvent moins de nourriture au moment où elles en ont le plus besoin. Exactement. Une troisième hypothèse aussi, ça serait la présence de glace en Saint-Laurent qui est comme de plus en plus rare à cause du réchauffement climatique. Et la hausse de la température de l'eau dans l'estuaire, ben, ça fait diminuer le couvert de glace. Et habituellement, les glaces, ben, ça sert de refuge aux bélugas contre le vent, contre les vagues, contre les tempêtes. Donc, ils ont moins d'abri en plus, d'avoir moins de nourriture. Et la quatrième hypothèse aussi, c'est le bruit. Parce que les bélugas communiquent par le son, comme les autres baleines, ben, l'augmentation du trafic maritime dans le fleuve, ça fait beaucoup de bruit et ça perturbe les bélugas. Parce que c'est exactement ça. Nourrir et élever leurs petits, ça s'avère alors plus difficile pour les bélugas. Pêche et Océan Canada indique d'ailleurs qu'une étude est en cours depuis cet automne, ben, l'automne dernier, pour évaluer l'impact des menaces qui touchent les bélugas du Saint-Laurent. Il y a même un plan d'action en vertu des lois sur les espèces en péril qui est en cours de rédaction, qui devrait être publié à la fin de l'année 2016. En raison de la faible régénération que connaît la population de bélugas, est-ce que les jours des bélugas dans le Saint-Laurent sont comptés, Mélanie? Ben, selon plusieurs spécialistes, c'est pas une réponse très encourageante. Par exemple, si je prends l'opinion d'un professeur qui travaille à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe, le professeur Lair, c'est souvent le spécialiste qui accorde des entrevues à ce sujet-là. Uh-huh. Et il dit qu'il est probablement trop tard pour sauver l'espèce d'une disparition mmh. inévitable. Et si je me tourne chez le groupe que je vous parlais tout à l'heure, le GREM, le président, M. Michaud, rappelle que le béluga, c'est un baromètre de la santé du fleuve. Et ça, c'est vraiment important. Et lui, il nous mentionne que s'il disparaît, ça n'aura pas nécessairement d'impact pour l'écosystème, mais ça serait le signal d'une faillite, même d'un échec, face à la protection d'une espèce qui est en voie de disparition. Donc, l'état fragile de sa population est vraiment préoccupant et l'avenir semble vraiment sombre pour l'espèce emblématique du Saint-Laurent. Puis, je crois honnêtement qu'on risque de notre vivant, malheureusement, de voir cette espèce-là disparaître du Saint-Laurent. C'est vraiment dommage, hein? Oui. Alors, peut-être, comme tu le disais, que bientôt, il n'y aura plus de bélugas à observer dans nos excursions aux baleines. Oui, ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage. Merci beaucoup, Mélanie. De rien. Alors, on va faire une pause musicale sur CKRL et après, on vous revient avec Frédéric Bouchard qui va nous parler de l'Anthropocène.